Meets Productions. Je compte plus le nombre de tours que j'ai fait dans la cité. Je compte plus le nombre de rats qui m'ont dit gros de ma pacité. Mais impossible de faire comme ils veulent. C'est moi, je suis là, mais je m'isole. Je suis saoulé de voir le people qui sont là que quand tu décolles. Ils me pointent du doigt quand je déconne. Mais sur chaque instru, je les étonne. Un flow, un slash, moi je te donne. Mais tu me rêves plus au téléphone. Ah là là là, tu sous-estimes, rouillard. T'entends la tête sans négrir. Chercher, ça se cache sous des fouleurs. Y'a pas de chômage, y'a pas de salaire. Y'a pas de garage. Y'a plus de poteaux en galère. Y'a que des vrais DZ qui ont la rage. Ah ouais ouais mon amigo, moi dans ma tête j'ai plein d'idées. J'suis pas comme tous ces mythos, non j'vais pas finir sur le côté. Même menacé d'un couteau, oh j'suis pas une puta. Enfermé ça rend claustro, une chance sur deux que tu sors tout pâle. Ah, 1000 francs à zéro, y'a rien toléré. Au hal des frères y'en a trop et y'a trop de mamans écœurées. Y'a plus de pitié pour ces gens, y'a plus de pitié pour ces gens. Ceux qui passent trop racontent des légendes, intelligents, ta mère. 6, 9, 3, 8, on vous met à la main, à la main comme des vins. On vous donne à tous à ceux qui demandent. Toulé, toulé, toulé. Y'a plus de pitié pour ces gens, y'a plus de pitié pour ces gens. Ceux qui passent trop racontent des légendes, intelligents, ta mère. 6, 9, 3, 8, on vous met à la main. Qu'on prenne la zig, qu'on lui cache le dos, qu'on fasse en un deux. Rien que ça roule des zigs, ça fonde tes vagues, le cœur c'est un deux. Descends chez moi, frérot, j'suis comme toi, tu peux pas me feinter. Y'a la bague qui passe, elle a mis la bagaille sur un deux. Ça tabasse à 200, y'a des liasses et du son, y'a des larmes et du sang, tu connais. Hey, on va où y'a l'oseille, affronte le mauvais oeil avec ou sans la mif, c'est pas pareil. La zig nous a trouvés, égaré dans la zone. Maintenant faut se tirer. Pas loin de l'Amazon. Et les anciens m'ont dit la rue c'est pourri, c'était pas pour rire. J'en ai vu mourir et la rue a chuchoté tout doucement. C'est tant pis pour eux, moi j'suis dans mon coin. J'attire que les curieux, pas ceux qui bégayent comme un CD qu'on rêve. Les kiffeurs de bon son, les gens simples à deux doigts de braquer les curés. Contrôle récurrent, on part en vacances, on part en euros, de billets d'argent. De monnaie courante, tu pars en courant, on bâtard. Y'a plus de pitié pour ces gens, y'a plus de pitié pour ces gens. Ceux qui parlent trop racontent des légendes. Même si on a R, pourquoi mon cœur s'en renfermait? Même si j'ai la R, les absents ont toujours tort. Les frères ouais font toujours peur. C'est l'eau qui j'suis toujours tort. Pour eux on sera toujours beurre. Ouais ouais. Y'a plus de pitié pour ces gens, y'a plus de pitié pour ces gens. Ceux qui parlent trop racontent des légendes, intelligents, ta mère. 6, 9, 3, 8 on vous met à la main, à la main comme des verres. On vous donne à tous à ceux qui demandent. Tout le, tout le, tout le. Y'a plus de pitié pour ces gens, y'a plus de pitié pour ces gens. Ceux qui parlent trop racontent des légendes, intelligents, ça amène. 6, 9, 3, 8, on vous met à la main, à la main comme never. On vous donne à tous.